et je te donnerai tous les os qu'il te faudra. » Ah, dit le chat aux écoutes, voici une femme très maligne, mais elle n'est pas si maligne que moi. Chien sauvage entra, rampant, dans la caverne et mit sa tête sur les genoux de la femme, disant « Oh, mon ami, femme de mon ami, j'aiderai ton homme à chasser le jour et la nuit je garderai la caverne. » « Tiens, dit le chat aux écoutes, voilà un bien sous chien. » Et il repartit par les chemins mouillés du bois sauvage, en remuant la queue et tout seul. Mais il ne dit rien à personne. Quand l'homme se réveilla, il dit « Que fait chien sauvage ici ?» Et la femme dit « Son nom n'est plus chien sauvage, mais premier ami, car il sera maintenant notre ami à jamais et toujours. Prends-le quand tu vas à la chasse. » La nuit d'après, la femme fut coupée à grandes brassées vertes de l'herbe fraîche aux prés riverains et la sécha devant le feu. Cela fit une odeur de foin, et la femme, assise à la porte de la grotte, tressa un licol en alière de cuir et regarda l'éclanche, le grand os de mouton plat, et fit un sortilège. Elle fit le second sort qu'on eût fait sur la terre. Là-bas, dans les bois sauvages, tous les animaux se demandaient ce qui était arrivé à Chien sauvage. À la fin, Poulain sauvage frappa du pied et dit « J'irai voir et rapporter pourquoi Chien sauvage n'est pas revenu. Chat, viens avec moi. » « Nenni, dit le chat, je suis le chat qui s'en va tout seul et tous les lieux se valent pour moi. Je n'irai pas. » Mais tout de même, il suivit Poulain sauvage, tout doux, à pas de velours et se cacha pour mieux entendre. Quand la femme entendit Poulain sauvage, qui butait en marchant sur sa longue crinière, elle rit et dit « Voici le second. Sauvage, enfant du bois sauvage, que me veux-tu ? » Poulain sauvage dit « Ô mon ennemi, femme de mon ennemi, où est chien sauvage ?» La femme rit, ramassa l'éclanche et le regarda, puis dit « Sauvage, « enfant du bois sauvage, tu n'es pas venu pour chien sauvage, mais pour le foin qui sent si bon. » Et Poulain sauvage, qui butait en marchant sur sa longue crinière, dit « C'est vrai, donne-moi à manger. » La femme dit « Sauvage, enfant du bois sauvage, courbe la tête et porte le présent que je te donne ici. À ce prix, mangeras-tu l'herbe merveilleuse 3 fois le jour ?» « Ah ! Dit le chat aux écoutes, voici une femme très maligne, mais elle n'est pas aussi maligne que moi. » Poulain sauvage courba la tête et la femme glissa par-dessus le licol de cuir tressé et Poulain sauvage souffla sur les pieds de la femme et dit « Ô maîtresse, femme de mon maître, je serai ton esclave à cause de l'herbe merveilleuse. » « Ah ! Dit le chat aux écoutes, voilà un sot poulain !» Et il s'en retourna par les chemins mouillés du bois sauvage, en remuant la queue et tout seul. Mais il ne dit rien à personne. Quand l'homme et le chien revinrent de la chasse, l'homme dit « Que fait le poulain sauvage ici ?» Et la femme dit « Il ne s'appelle plus Poulain sauvage, mais premier fidèle. » car il nous reportera de place en place, désormais et toujours. Monte sur son dos quand tu vas à la chasse. » Le jour après, la tête haute, pour que ses cornes ne se prennent pas aux branches des arbres sauvages, Vache sauvage vint à la caverne, et le chat suivit, se cachant comme avant. Et tout arriva tout à fait comme avant, et le chat dit les mêmes choses qu'avant. Et quand la vache sauvage eut promis son lait à la femme tous les jours, en échange de l'herbe merveilleuse, le chat s'en retourna par les chemins mouillés du bois sauvage, en remuant la queue et tout seul, juste comme avant. Mais il ne dit rien à personne. Et quand l'homme, le cheval et le chien revinrent de la chasse